Chapitre 31e, un ressentiment précoce. Dutilleul se reconcentra sur l'histoire de l'homme qu'il avait en face de lui. Il continua à répondre à ses questions avec un aplomb certain et une suffisance aussi insupportable qu'assumée. Quelque chose pourtant ne collait pas dans le discours de Mousseron, mais pas à l'endroit où l'on aurait pu s'y attendre. Si les rapports qu'il avait avec Samson Chardy étaient bien établis, le véritable intérêt que Mousseron semblait soudain éprouver pour les ouvriers de ses usines était des plus étonnants. À n'en pas douter, l'homme était sincère, ce qui ne pouvait que donner à penser. Bien sûr, Dutilleul ne se laisserait pas endormir, il fallait vérifier, mais il subodorait que tous les dires de Mousseron sur le sujet se révéleraient exacts. Pour Dutilleul, cette soudaine considération ne pouvait que s'expliquer d'une seule façon possible. Lui-même avait une connaissance intime du monde ouvrier. Sa mère travaillait très probablement en usine et Dutilleul l'imaginait très peu qualifié. Mousseron en avait incontestablement souffert. Il avait certainement mis un point d'honneur à la sortir de là le plus vite possible. Dutilleul n'avait pas de mal à imaginer un enfant déjà mûri avant l'âge. De là lui venait son si fort sentiment d'injustice et son si grand désir de revanche. À n'en point douter, il aimait profondément sa mère, seul repère un peu solide dans une vie d'isolement. Avait-elle fait des heures supplémentaires pour que son fils chéri souffre le moins possible? C'était raté, naturellement, mais Mousseron n'avait jamais rejeté la faute sur sa mère. Celle-ci devait faire ce qu'elle pouvait, mais c'était loin d'être suffisant. Quand avait-il compris que sa mère s'était entichée d'un beau parleur qui avait pris la poudre d'escampette quand le pitange s'était présenté à l'horizon ou même bien avant? Très tôt, bien trop tôt. Mousseron en avait conçu un tel ressentiment qu'il n'en était toujours pas guéri à cette heure. Cependant, Dutilleul doutait fortement que Mousseron ait cherché un jour à rentrer en contact avec son géniteur, puisqu'en fait la situation lui convenait parfaitement. Dutilleul sentait que l'homme était d'une possessivité maladive, ne serait-ce que si l'on considérait la manière dont il avait pris le contrôle de CM Process. Madame Mousseron, mère, n'avait pas dû refaire sa vie. Pourtant, elle ne devait pas être vilaine dans sa prime jeunesse, car Mousseron avait des traits fins et assez réguliers. Seulement, le dur labeur avait eu raison de sa beauté simple, la fatigue se chargeant de massacrer le reste. Elle n'avait eu ni la force ni l'envie de se consacrer à un autre homme. Sans doute, se considérait-elle comblée par l'amour de ce fils pour qui elle serait toujours la plus jolie des mamans. Dutilleul n'osa pas demander si elle vivait toujours. C'était un point qu'il pouvait vérifier sans trop de peine. Désagréablement et comme trop souvent, Dutilleul ne put s'empêcher de comparer les relations qu'il entretenait avec son propre père, ou plutôt leur plus totale absence, avec celle que Mousseron entretenait avec sa mère. Une fois de plus, la comparaison ne le satisfit en rien. En fait, son malaise ne cessait de croître. À présent, Mousseron l'incommodait au plus haut point, et il devait batailler ferme pour ne pas le montrer. Bellegarde lui avait jeté quelques regards inquiets. Et il n'avait pas tort, la capacité d'encaissement de Dutilleul était atteinte depuis longtemps et celui-ci devait fermement se retenir pour ne pas exploser. Pour ne rien arranger, il était horriblement déçu. L'homme qu'il avait en face de lui et qui se pavanait tel un paon était certainement l'être le plus abominable qu'il ait jamais approché, mais cela n'en faisait pas pour autant un assassin. Bien sûr, Mousseron aurait pu engager un tueur, mais son ego surdimensionné ne l'aurait jamais accepté. Il avait trop besoin de tout contrôler, et payer un exécuteur, c'était se mettre soi-même sous la coupe de ce même exécuteur. Si vraiment Mousseron avait eu ce désir, et Dutilleul devait bien reconnaître qu'il en doutait de plus en plus, il aurait soigneusement évalué les risques et estimé in fine que le jeu n'en valait pas la chandelle. Il était beaucoup plus jouissif pour lui de dominer Marion. Il devait le faire à sa manière, très détournée. Ainsi, on ne pouvait rien lui reprocher et surtout pas vers elle, qui pourtant devait constamment le tenir à l'œil. Dans ce domaine, Mousseron était un expert. Il jouait sur du velours. Il lui était facile d'assommer Marion Chardy de chiffres et de graphiques simplifiés. Dutilleul l'imaginait insistant particulièrement sur ce point. Ainsi, la gamine n'osait poser de questions. Mousseron avait toutes les clés en main, et Dieu sait que le trousseau était fourni. Il lui était facile de l'exhiber avec arrogance. De là à le mettre à la disposition des autres, c'était une toute autre histoire. Bien entendu, il avait toujours dû se garder d'avoir le moindre mot blessant, le message n'en passant que mieux. Il avait triomphé d'une gamine muette et probablement morte de peur, et il avait tout fait pour la maintenir dans cette position inférieure. C'était une revanche petite et minable, mais elle ne comptait pas moins. Il lui était si simple de dire qu'il ne faisait que remplir ses obligations, obligations qui, il ne le cachait même pas, étaient plus une corvée qu'autre chose. Qu'avait prétendu Mousseron ? Que Marion lui était indifférente ? C'était totalement faux. Il la haïssait, comme il avait haï ses parents avant elle, peut-être même plus encore. Pourquoi ? Parce que si Marion avait daigné lui ouvrir les bras, Marion aurait pu être le fruit de leur union, et tout alors aurait pu être différent. Mousseron se serait peut-être senti moins floué, même si là encore, rien n'était moins sûr. Marion n'aurait pas été heureuse. Mousseron l'aurait étouffée par sa possessivité maladive. La jolie fleur se serait fanée sous la sécheresse de Mousseron. Car il ne fallait pas se leurrer, Mousseron n'aurait pas abandonné sa quête de puissance pour autant. CM Process était son obsession majeure. Un instant, Dutilleul pensa qu'il pourrait être assez instructif de rencontrer Madame Mousseron avant d'y renoncer. Une femme qui accepte sans broncher que son mari passe plus de la moitié du temps au bout du monde ne pouvait être que de peu d'intérêt. Il l'imaginait décorative, mais sans épaisseur, une créature toute à la dévotion de son mari, sans doute une très bonne catholique, très impliquée dans les œuvres caritatives. Mousseron avait tout du dévot hypocrite. En privé, il ne devait jamais hésiter longtemps à sortir le carnet de chèques, si cela peut aider à soulager la douleur. Il s'achetait ainsi une conscience à bon compte. Mousseron avait besoin plus que quiconque qu'on lui tresse une auréole. Il devait avoir besoin de se sentir estimé, et le pire de tout, c'est qu'il devait penser qu'il le méritait amplement. Ne faisait-il pas fructifier chaque jour l'entreprise de son défunt ami, sans jamais privilégier son propre intérêt ? Mousseron ne se gênait certainement pas pour faire remarquer que, certes, il avait un salaire des plus convenables, mais guère plus élevé que ceux de ses collaborateurs les plus proches. S'il le voulait, et puisqu'il en avait à présent le pouvoir, il pouvait facilement multiplier son salaire par 10, sans que personne n'y trouve à redire. Sans doute, mais cela ne servait pas ses plans. Aux yeux de tous, Mousseron voulait passer pour l'ami dévoué qui se sacrifiait tout entier à l'entreprise et qui parvenait assez bien. Dutilleul, lui, n'était pas dupe un instant de cette comédie.